من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc comme on sait qu'on a commencé le ramadan aujourd'hui, alhamdoulillah, et donc comme c'est l'habitude, lorsque c'est le ramadan, on essaie de se concentrer sur le Coran et sur qu'est-ce qui relie au Coran. Et donc j'ai décidé par rapport à ça de faire un dars avant de commencer le tafsir qu'on fait habituellement pendant le ramadan, de commencer un cours avec un livre de Cheikh Mohamed Bazmoul, yani hafizahullah. Le titre du livre, c'est « Tadabbur al-Qur'an wa atharuhu fi tazkiyat al-nufus », c'est-à-dire la réflexion sur le Qur'an, la méditation sur l'essence du Qur'an et son effet sur la purification des âmes. Et c'est un sujet très bénéfique et très important, et c'est quelque chose sur lequel on doit se concentrer. Le livre, il est divisé en trois parties. La première partie, c'est qu'est-ce que signifie « Tadabbur », le fait de méditer ou de réfléchir sur l'essence du Coran. La deuxième partie, c'est tazkiyatun nufus. Qu'est-ce que c'est la purification des âmes? Et la troisième partie, c'est fawa'idut tazkiyatun nufus 'ala al-'abd. C'est quoi les bienfaits de la purification de l'âme pour le serviteur? Et pour rajouter un peu de points bénéfiques à ce sujet, J'ai un autre livre qui s'intitule At-Tazkiyatu Bayn Ahl As-Sunnah wa As-Sufiyyah, c'est-à-dire la purification entre les gens de la Sunna et les Soufiyyah. Et donc, on va lire dans ce livre quelques passages qui nous expliquent la différence qui existe entre la méthodologie de la purification de l'âme chez les gens de la Sunna par comparaison avec la purification de l'âme chez les Soufiyyah, et les différences qu'il y a entre les deux et la réfutation des fausses notions que les soufis ont à ce sujet-là. Donc, avant de commencer dans la question de la méditation ou la réflexion sur le Coran, on va voir le chapitre ou la partie qui parle de At-Tadabbur, de comment le cheikh il l'a divisé. Et le cheikh il mentionne qu'il a divisé le sujet en 5 parties. يشتمل على العناصر يعني تدبر القرآن المحور الأول تدبر القرآن يشتمل على عناصر 5. معنى التدبر premièrement c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie التدبر. الثانية يعني الأمر بالتدبر. الله سبحانه وتعالى dans le Coran il nous ordonne de réfléchir, de méditer sur l'essence du Coran. On va voir les versets qui parlent de ça. ثالثا أركان التدبر. C'est quoi les piliers de la réflexion ou de la méditation sur le Coran? Sur quoi ça se base et en quoi ça consiste? Et le point numéro 4, مقاصد القرآن والتدبر فيها. C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs du Coran et la réflexion à son sujet. وخامسا وسائل التدبر. Quels sont les moyens de la réflexion? Quels sont les moyens qui peuvent nous aider à méditer et à réfléchir sur l'essence du Coran? Donc, premièrement, ma'na tadabbur. At-tadabbur fi al-lugha huwa min ad-dubur wa huwa akhir ash-shay. Dubur ad-dabba akhiruha. Wa at-tadbir wa at-tadabbur fi al-amr النظر في عاقبة الأمر أي أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر التفكر فيه أي تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالثة، فالتدبر هو التفكر والتفهم، والتدبر والاعتبار العبرة، الاعتبار بما مضى، والاعتبار هو التدبر والنظر، والاعتبار هو الحالة والهيئة النفسية النفسانية التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. Donc la signification du mot tadabbur dans la langue arabe, c'est que ça signifie, premièrement, ça vient du mot dubur. Tadabbur, ça vient du mot dubur, qui veut dire qu'est-ce qui est en arrière de quelque chose, qu'est-ce qui est derrière quelque chose. Hein? Et même le derrière d'un animal ou d'une bête, ou même d'un animal, ou même d'un être humain, on l'appelle dobur. Hein? Et c'est la fin, ou qu'est-ce qu'il y a en arrière. At-tadbir ou at-tadabbur, à propos de quelque chose, quand on fait at-tadbir ou bien at-tadabbur, ça veut dire d'observer quelque chose et de regarder sa conclusion, comment ça va se finir. Hein? De réfléchir sur sa fin. C'est-à-dire, tu regardes la chose et tu vois comment ça va se développer et vers quoi ça va t'amener, ça va être quoi sa conclusion. Et at-tadabbur, c'est aussi la réflexion. At-tadabbur, c'est pour ça qu'on dit des fois en français, on dit le fait de méditer sur l'essence du Coran et de réfléchir sur l'essence du Coran. Et donc, c'est que tu prends une connaissance ou deux et tu, avec cette connaissance, tu en tires une troisième. Hein? Tu en tires une troisième qui n'est pas mentionnée. C'est comme d'extraire un sens à partir de ce qui est mentionné, mais un sens qui n'est pas mentionné lui-même. Ok? Et l'exemple de ça, c'est comme par exemple quand tu dis que tu prends une leçon de quelque chose. Par exemple, je te mentionne qu'est-ce qui est arrivé à des peuples précédents. Ça t'est pas arrivé à toi, mais le fait que tu lis qu'est-ce qui est arrivé à d'autres peuples avant toi, par rapport à quelque chose, comment ils ont agi et qu'est-ce qui a été la conséquence de leurs actions et comment ils ont été punis par la suite, ça te donne une connaissance supplémentaire et ça te donne une leçon de laquelle tu peux tirer une compréhension, une connaissance, puis ça peut t'amener à agir d'une manière qui va te faire éviter la conclusion que ceux-là ont mérité. Donc c'est comme si tu as appris une connaissance supplémentaire de ce qui est mentionné dans les textes sans toi-même l'avoir vécu ou expérimenté personnellement. Et donc at-tadabbur, c'est le fait de réfléchir, de comprendre, de prendre une leçon, d'observer, de regarder de façon objective pour essayer de comprendre quelque chose. Et c'est un état dans lequel tu arrives à connaître quelque chose qui n'est pas nécessairement, qui n'était pas nécessairement arrivé, hein, à partir des exemples qu'on te montre. Dans la définition plus terminologique, religieuse, le cheikh il dit: wa fi istilah at-tadabbur ibaratun 'an an-nazari fi 'awaqib al-umur wa huwa qarib min at-tafakkur illa an at-tafakkur tasarruf al-qalb bin-nazari ila bin-nazari fi ad-dalil. والتدبر يعني تصرفه بالنظر في العواقب. Donc il dit le cheikh que التدبر c'est une forme de réflexion, d'observation de la conclusion des choses. Ça ressemble à la pensée ou à la réflexion, sauf que la réflexion c'est le fait que le cœur médite ou réfléchisse sur la preuve, tandis que التدبر c'est d'observer la conclusion des choses et vers quoi cette chose va t'amener. Hein? Et dans la législation, la définition dans la révélation, selon la révélation, c'est التدبر هو النظر والتفهم والتفكر في عاقبة ما تؤول إليه الأمور التي ذكرها الله في القرآن الكريم والاستفادة من ذلك في إيمان العبد وظهور أثره في جوارحه. وهذا المعنى مستخلص من تتبع معاني التدبر في الشرع. Donc la réflexion ou la méditation ou la réflexion dans le sens de la révélation, c'est d'observer, d'essayer de chercher à comprendre et de réfléchir sur la conclusion vers les choses, sur la conclusion vers laquelle mènent les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, et que le serviteur cherche à profiter de ces informations et de ces connaissances-là dans sa foi, et de voir apparaître les effets de cette réflexion-là sur son corps. C'est-à-dire, il va voir les réflexions, les effets de cette réflexion, il va les voir physiquement sur lui se manifester. C'est-à-dire qu'il va le mettre en application. Et on a tiré cette définition-là, ou cette signification, des significations qui sont mentionnées dans la révélation. Le cheikh, il dit, deuxièmement, al-amru bit-tadabbur. Donc, il y a dans la révélation, dans le Coran, l'ordre d'Allah de réfléchir et de méditer sur l'essence de la révélation et du Coran. Il dit, وَقَدْ جَاءَ الْأَمْرُ بِالتَّدَبُّرِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Donc le cheikh il a cité ici 4 ou 5 versets dans lesquels il mentionne dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux serviteurs de réfléchir sur l'essence du Coran. Le premier verset que le cheikh il a mentionné, c'est le verset 82 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'ont-ils pas médité sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. S'il provenait d'autre que Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc le fait que dans le Coran il n'y ait pas de contradictions, et dans la sunna, il n'y a pas de contradiction non plus avec le Coran, et ainsi de suite. Et le Coran ne se contradit pas lui-même, et la sunna ne se contradit pas elle-même. Et le Coran et la sunna entre eux ne se contradisent pas. Ça, c'est la preuve même que ça vient d'Allah. Hein? Sinon, on aurait trouvé dedans plusieurs contradictions. Comme on retrouve, par exemple, dans les livres des chrétiens, dans les livres des juifs, dans les livres des gens des autres religions. On trouve plein de contradictions dans les textes qui prouvent que c'est pas quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des versets dedans, dans les livres précédents, qui ont été falsifiés. Donc il y a des choses qui viennent d'Allah et qui sont restées telles quelles, sauf qu'il y a des choses qui ont été modifiées et ils ne sont pas restées dans leur sens original. Donc il y a eu des falsifications contrairement au Coran, contrairement à la parole d'Allah, contrairement à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a été préservée. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset, qui est le verset 68 dans sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien plutôt il clarifie ce qui signifie: ne médite-t-il donc pas sur la parole, c'est-à-dire le Coran, où est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? C'est-à-dire qu'ils ont reçu quelque chose que leurs ancêtres n'avaient pas reçu. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, l'autre verset, c'est le verset 29 dans sourate Sa'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est un livre qu'il a fait descendre vers toi qui est béni, mubarakun, pour qu'ils puissent méditer sur ces versets et pour que les gens qui détiennent la raison, qui sont doués d'intelligence, puissent se souvenir et se rappeler. Et le verset 24 dans sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'ont-ils pas réfléchi sur le Coran? N'ont-ils pas médité sur le Coran? ou bien il y a un cadenas sur leur cœur. Leur cœur a été scellé par un cadenas. Ensuite, le cheikh dit, « Wa qala Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri, celui dont on parlait hier, Imam al-Ajurri. » Et probablement qu'il cite ça dans le livre « Akhlaq al-Ulama » ou bien dans « Akhlaq Hamalat al-Qur'an ». Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Justement, « Akhlaq Hamalat al-Qur'an ». Dans ce livre-là, il cite le cheikh. Il dit « Ala taroun, rahimakum Allah, ila maulakum al-karim, kayfa yahuthu khalqahu, ala an yatadabbaru kalamahu, wa man tadabbara kalamahu arafa al-Rabb azza wa jal, wa arafa azima sultanihi wa qudratih, wa arafa azima tafaddulihi ala al-mu'minin, wa arafa ma alayhi min fardi ibadatihi, فألزم نفسه الواجب وحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره وكان همه عند التلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه ولم يكن مراده متى أختم السورة وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب متى أزدجر متى أعتبر لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة والله الموفق. انتهى كلامه. Le Cheikh il explique la parole de Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri. Il dit, ne vois-tu pas que Allah te fasse miséricorde vers votre maître, le noble, le généreux, comment il incite sa créature à réfléchir et à méditer sur sa parole. Ne vois-tu pas comment il incite sa créature à méditer sur la parole, sur sa parole et à réfléchir sur sa parole. Et quiconque réfléchit sur l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaîtra son Seigneur. Et il connaîtra la grandeur de sa puissance et de son pouvoir. Et il connaîtra la grandeur de sa grâce et de son mérite sur ses serviteurs. Et il connaîtra ce qui a été ordonné comme obligation sur son serviteur, comme adoration. Et il s'obligera à lui-même de faire ce qui est obligatoire et il prendra garde de faire ce qui a été interdit par son maître, le généreux et le noble. Et il va inciter les autres à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a incité également. Et donc celui qui rentre dans cette description, lorsqu'il récite le Coran et lorsqu'il entend quelqu'un d'autre lui réciter, eh bien, le Coran sera pour lui comme un remède. Et il sera riche, même s'il n'a pas d'argent. Et il sera puissant, même s'il n'a pas de famille pour le supporter. Et il sera heureux dans les moments ou dans les choses dans lesquelles les autres vont trouver de la tristesse ou vont se sentir étranger. Lui, il va se sentir bien, il va se sentir chez lui. Et celui, lorsqu'il récite le Coran, son souci ou sa pensée, lorsqu'il ouvre le Coran et qu'il commence à réciter la sourate, celui qui récite le Coran et qui commence à se dire à lui-même, quand est-ce que je vais prendre une exhortation de ce que je lis? Quand est-ce que je vais être exhorté par qu'est-ce que je récite dans le Coran? Quand est-ce que je vais prendre une leçon de qu'est-ce que je récite dans la parole d'Allah? C'est ça qu'il se dit à lui-même en lisant le Coran. Il ne va pas se dire à lui-même, quand est-ce que je vais finir cette sourate? Hein? Comme s'il commence à lire la sourate, puis il pense déjà, quand est-ce que je vais la finir? Il faut que je lise plus vite pour arriver à la fin. Non, plutôt il se dit à lui-même, quand est-ce que je vais comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala me dit? Quand est-ce que je vais prendre une leçon qui va m'amener à cesser de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'interdit de faire? Quand est-ce que je vais prendre une leçon de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a mentionné dans sa révélation? Il dit pourquoi? Parce que la récitation du Coran est une adoration. Et l'adoration, elle ne peut pas être faite avec indifférence, avec insouciance. Et c'est Allah qui donne le succès. Donc ça, c'est la fin de la citation. Et donc, on constate, d'après ce qu'on voit, comme le cheikh il dit, وَلْيُلَاحِظْ هُنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّدَبُّرِ لَيْسَ مُجَرَّدَ الْعَمَلِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ أَوْ مُجَرَّدَ التِّلَاوَةَ بدون أن يظهر أثر ذلك في القلب بزيادة الإيمان وما يلازمه من العمل الصالح في الجوارح. وعن مجاهد في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. Donc le cheikh il explique, il dit on constate que l'objectif de la réflexion sur le Coran et la parole d'Allah, ce n'est pas uniquement l'acte intellectuel ou rationnel, l'action rationnelle qu'on fait de réfléchir ou de simplement méditer en récitant sans qu'il y ait d'effet sur le cœur en le faisant, du fait qu'on ressent la foi qui augmente en le récitant et qu'il est accompagné des bonnes œuvres qui sont faites par le corps, hein, et qui sont ordonnées par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite que c'est mentionné selon Mujahid, l'élève je pense que c'était l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud ou l'élève de Abdullah ibn Abbas, parmi les grands savants de tafsir, Mujahid, un tabi'i, un élève des sahaba, il dit à propos de ce verset, le verset 121, dans surat al-Baqara, yatlunahu haqqa tilawatihi, c'est-à-dire, il le récite comme il mérite d'être récité. Il explique que ça signifie, il le met en application comme il mérite d'être mis en application. Donc le réciter comme il mérite d'être récité, eh bien ça veut dire de le mettre en application comme il mérite d'être mis en application. ولذلك جاءت الآيات في القرآن مشيرة إلى ذلك كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Donc le cheikh il cite, il dit c'est pour cette raison que il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent justement ces choses-là par rapport à la réflexion, par rapport à la méditation sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il doit y avoir des effets à cette méditation, il doit y avoir des effets à cette récitation. Et il mentionne par exemple le verset 164 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, c'est-à-dire le livre et la sunna, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Hein? Même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Le verset 164 dans Sourate Al-Imran. Il mentionne ensuite le verset 2 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les effets de la récitation et de la réflexion sur le Coran. Il dit, les croyants sont uniquement ceux qui, lorsqu'on leur rappelle d'Allah, hein, eh bien, leur cœur frémisse. Donc, il y a le frémissement du cœur qui fait partie des effets de la réflexion sur le Coran. Et il dit aussi que lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. Donc, ça veut dire que le fait que on leur récite le Coran, ça leur fait augmenter, ça les fait augmenter en foi. Et donc, ça les fait augmenter en bonnes œuvres aussi, puisque la foi, c'est relié aux bonnes œuvres. Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc, ils vont avoir un tawakkul plus fort en leur Seigneur. Et il dit, dans le verset 124, dans Surat At-Tawbah, ce qui signifie, et lorsqu'une sourate leur est révélée, il y en a parmi eux qui demandent, lequel d'entre vous ressent sa foi augmentée par ce verset ou par cette sourate? Tandis que, donc, ceux qui ont la foi, eh bien, cela augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala ressentent cette augmentation dans leur foi lorsqu'ils entendent cette sourate. Et ils s'en réjouissent. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 23, dans Surat Az-Zumar, il dit un verset dans ce sens-là aussi qui montre les effets de la récitation du Coran et de la méditation et de la réflexion sur les sens de la parole d'Allah. Il dit, Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répète. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur, qui craignent leur Seigneur, elle frissonne à entendre ces versets. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre d'Allah. Voilà le livre par lequel Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc, ça c'est des exemples, des faits de la récitation du livre d'Allah et de la réflexion sur ses sens. Il dit, وَلِذَلِكَ قُلْتُ فِي تَعْرِفِ التَّدَبُّرِ شَرْعًا وَالِاسْتِفَادَةُ مِنْ ذَلِكَ فِي إِيمَانِ الْعَبْدِ وَظُهُورُ أَثَرُهُ وَظُهُورُ أَثَرِهِ فِي جَوَارِحِهِ وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّلَفِ ذم من يقرأ القرآن ولا يتفهمه ولا يعلم ما فيه ولا يعمل به. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison que quand j'ai donné la définition de at-tadabbur, la réflexion, la définition du terme at-tadabbur selon la religion et la révélation, j'ai dit c'est de profiter de cela, dans la foi du serviteur et dans le fait que ses effets se manifestent sur le corps. Et le cheikh dit qu'il a été mentionné de la part de plusieurs d'entre les salafs le blâme de ceux qui récitent le Coran sans essayer de le comprendre, ni de savoir ce qu'il y a dedans comme règle et ni de l'appliquer. Et c'est devenu triste à notre époque, et c'est ce qu'on va voir par les paroles de nos salafs, qu'est-ce qu'ils ont mentionné justement à ce sujet-là? Puisque à notre époque, c'est arrivé au point où on ne fait que le réciter sans rien en comprendre du tout. C'est comme si on le lisait juste comme ça, yani subhanallah. Pourtant, tu vois des gens qui vont lire des livres de d'autres domaines, de la dunya, et le but de ces livres, c'est de les mettre en application. Tu vas lire un livre de mathématiques, il y a des exercices dedans, tu dois les faire. Si tu ne fais pas les exercices, tu ne vas pas comprendre la théorie et tu ne vas pas être capable de savoir comment le mettre en application. La même chose pour les livres de physique ou de chimie ou d'autres domaines de la dunya. C'est la même chose. Et la même chose aussi pour des livres, même des livres de cuisine. Tu lis un livre de cuisine, tu veux lire la recette, c'est pour la mettre en application, pour la pratiquer, pour suivre les démarches qui sont mentionnées dedans et reproduire la recette pour avoir justement le produit à la fin tel quel. Eh bien, pour le Coran, les gens, non. Ils font juste réciter comme ça, sans comprendre. Hein? Même ceux qui sont arabophones, hein? Il ne faut pas penser que c'est seulement les non-arabes qui ne comprennent pas la signification du Coran. Parfois, quelqu'un qui va lire la traduction des sens du Coran en français, il va avoir une compréhension peut-être meilleure de certains passages ou de certains sujets que celui qui est arabophone mais qui ne comprend pas bien l'arabe classique. Parce que le Coran, on a besoin pour le comprendre de se référer au tafsir en arabe. Et le tafsir, c'est ça qui est traduit dans la traduction qu'on lit en français. En général, c'est une traduction du tafsir et non pas une traduction du Coran lui-même. Parce que le Coran ne peut pas être traduit. Mais c'est le sens du Coran qu'on traduit en français. Hein? Et c'est pas, en général, c'est un sens qui est traduit. Tandis que le verset peut avoir plusieurs sens. Hein? Mais on ne peut pas mettre tous les sens dans un seul sens. Dans un seul livre en français, donc ils mettent une traduction, celle qui est la plus acceptée, par exemple, par rapport à celui qui l'a interprété ou qui a écrit le tafsir de ce verset. Et on va voir les exemples de ça. La différence entre nous aujourd'hui, comment on est, par rapport à la différence de nos salafs, ceux qui nous ont précédés. Comment eux ils étaient par rapport au Coran. Il dit: وذكر القرطبي في تفسيره عن أبي بكر الأنباري بسنده عن زياد بن مخراق قال عبد الله بن مسعود إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به وإن كان وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. Donc il dit le cheikh que dans le tafsir de Al-Qurtubi, il cite selon Abu Bakr Al-Anbari avec la chaîne de transmission selon Ziyad ibn Mikhraq, que il dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: il est difficile pour nous de mémoriser les mots du Coran. Ça, c'est le Abdullah ibn Mas'ud, un des plus savants parmi les Sahaba et un des mémorisateurs du Coran. Il dit: il est difficile pour nous de mémoriser les mots du Coran, mais facile pour nous de le mettre en application. Mais ceux qui viendront après nous, il sera facile pour eux de mémoriser le Coran, mais difficile pour eux de le mettre en application. Tu vois? Donc c'est exactement la situation dans laquelle on est maintenant, malheureusement. Et il dit: wa bisanadihi an ibn Umar qal kana al-fadl min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sadri hadhihi al-umma la yahfazu min al-Qur'an illa as-sura aw nahwaha. ورزق العمل بالقرآن وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. Et il mentionne avec sa chaîne de transmission selon Ibn Omar que les meilleurs des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam au début de cette umma, ils ne mémorisaient du Coran que quelques sourates ou quelque chose de semblable, mais ils avaient reçu la mise en application, la pratique du Coran, tandis que les derniers de cette umma, ils récitent le Coran, l'enfant, l'aveugle, ils récitent le Coran, mais ils n'ont pas reçu ou ils n'ont pas eu comme risque le fait de le mettre en application. Donc ça c'est la réalité maintenant. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit ensuite, il dit wa qal Abdullah ibn Omar. لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة أو تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وزاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. Donc ça c'est une autre narration qui est mentionnée selon Abdullah ibn Omar. Il dit, nous avons vécu une longue période de temps et un d'entre nous recevait la foi avant de recevoir le Coran. Il recevait la foi avant de recevoir le Coran. Dans le sens que, ils avaient compris le tawhid, ils avaient appris la foi, le tawhid et la signification de ça, avant d'avoir même appris et mémorisé le Coran. Ils apprenaient l'aqidah et l'iman avant le Coran. Aujourd'hui tu vois les enfants, ils les amènent à l'école coranique ou dans les mosquées, pourquoi? Pour mémoriser le Coran. Tu lui poses une question sur le tawhid, il ne sait même pas de quoi tu parles, alors que les salafs c'était le contraire. Ils enseignaient à leurs enfants le tawhid par des exemples de tous les jours, par des choses simples. Ils leur enseignaient le tawhid dans les exemples de ce qu'ils voyaient, de shirk, il les mettait en garde. Regarde, ça c'est du shirk. La personne, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle adore une idole, elle adore autre que Allah. Regarde, tu vois cette croix, ça c'est un signe de shirk. C'est le signe des chrétiens, ils adorent ça. Ça c'est ça, celui qui fait ça, il va en enfer pour l'éternité. C'est le plus grave de tous les péchés que Allah a interdit. Et tu lui expliques le tawhid, qu'est-ce que c'est? Le shirk, qu'est-ce que c'est? Et les exemples qui sont reliés à la aqidah. Chaque fois que tu vois quelque chose qui est contraire à la aqidah et au tawhid, tu mets en garde ton enfant, tu lui expliques comme il faut qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le paradis? Qu'est-ce que c'est l'enfer? Qu'est-ce que c'est l'iman? La foi en Allah. Où il est Allah? Allah il est fis sama, il est au-dessus des cieux. Et tu lui expliques. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Il a créé les arbres, il a créé le ciel, il a créé le soleil, toute la création. Tawhid al-Rububiyya, tu lui expliques par la suite Tawhid al-Uluhiyya, que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Le shirk c'est quoi? C'est d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ces gens-là font? Les bouddhistes, les hindous, les mushrikines, tout ça c'est du shirk. On passe devant un temple bouddhiste, regarde les statues, tu vois ça? Ça c'est le shirk billah. Ces gens-là ils adorent le shaitan. C'est le shaitan qui les amène à adorer ça. Même si tu vois la statue, elle paraît belle, elle n'a pas l'air méchante, mais c'est le shaitan qui est derrière, qui appelle les gens à l'adorer. C'est de l'égarement. Tu expliques toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Il faut suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut adorer Allah comme Allah nous a ordonné de l'adorer, en suivant l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu enseignes ça à tes enfants jour après jour après jour. Même s'ils n'ont pas mémorisé un seul verset dans le Coran, ils ont déjà compris la base de la aqidah de l'islam. ils ont déjà, on leur a déjà inculqué le plus important de tous les fondements de la religion, c'est la foi en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tandis que tu apprends à tes enfants à répéter le Coran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Surat al-Fatiha, Qul huwa Allahu Ahad, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas, et tu constates que quand tu leur demandes ça veut dire quoi ça? Et puis ils ne sont même pas capables de t'expliquer, même Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que yani, ils mémorisent les choses par cœur comme des robots, mais ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de répéter, c'est comme des perroquets. Hein? Donc il faut commencer par l'iman qabla al-Qur'an, hein? Et c'est ça que les ulama ont enseigné. Donc c'est ce qu'il dit ici Abdullah ibn Omar, hein? On a vécu une longue période de temps et l'un d'entre nous, hein, il avait la foi avant d'avoir le Qur'an, et la sourate descendait sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on apprenait qu'est-ce qui est halal de ces versets-là, qu'est-ce qui est haram dans ces versets-là, qu'est-ce qui est ordonné, qu'est-ce qui est interdit, et qu'est-ce que le musulman doit faire, et là où il doit s'arrêter par rapport à ces versets. Et il dit, on a vu que par la suite, des gens sont venus, ils ont reçu le Coran avant la foi, et ils le lisent de la Fatiha jusqu'à la fin, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est ordonné, qu'est-ce qui est interdit, et où il doit s'arrêter par rapport à sa religion. Il faut juste passer à travers comme ça. Donc ça c'est un exemple ici qui est rapporté dans Al-Mustadrak al-Sahihayn et dans Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, qui nous donne une compréhension très claire de ce que signifie donc l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de réfléchir et de méditer sur le Coran. Maintenant les piliers de la réflexion. Arkan al-tadabbur. Le cheikh il dit, وَمِمَّا سَبَقْ يَتَّضِحُ أَنَّ التَّدَبُّرَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْكَانِ وَهِيَ أَوَّلًا التَّفَكُّرُ وَالتَّفَهُّمُ لِمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالنَّظَرُ فِي عَاقِبَةِ مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ هَذِي الْأُمُورَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ وَالِاعْتِبَارُ وَالِاتِّعَاظُ بِذَلِكَ بحيث يتوصل بمعرفة حكم المشاهد مما ليس بمشاهد فيحصل بذلك الإيمان في القلب والتصديق والمعرفة والتعظيم لأمر الله عز وجل والثاني ثانيا يعني الركن الثاني حصول أثر ذلك على حصول أثر ذلك الإيمان على الجوارح. Donc le cheikh il dit, les piliers de la réflexion ou de la méditation sur le Coran, premièrement, on peut comprendre par rapport à ce qui a été mentionné, qu'il faut qu'il y ait deux choses présentes pour qu'il y ait réellement une réflexion qui soit faite sur la révélation et sur le Coran. Le premier pilier, c'est le fait de réfléchir sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre, d'observer la conclusion et vers quoi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées amènent, et le fait de prendre des leçons de ça et de prendre une exhortation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, du fait que lorsque tu vas le lire, tu vas obtenir comme compréhension et comme conséquence quelque chose qui va te venir, même si tu ne l'as pas vécu toi-même et même si tu n'en as pas été témoin par toi-même, mais tu prends une leçon de qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Et donc ça t'amène à augmenter ta foi dans ton cœur, de reconnaître la véracité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, et augmentation aussi de ta connaissance, et d'avoir plus de respect pour l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme conclusion et comme résultat. Et c'est comme, qu'est-ce que les gens disent par exemple, souvent il y a un dicton qu'on répète souvent, السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره, c'est-à-dire la personne qui est ou bien on peut plutôt traduire ça comme en disant heureux soit celui qui prend une leçon de ce qui arrive aux autres, Hein? Heureux soit celui qui prend une leçon par qu'est-ce qui arrive aux autres. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas besoin de subir le problème, la chose, il n'a pas besoin de t'arriver à toi personnellement pour savoir que c'est quelque chose qui est mauvais. Tu vois ce qui est arrivé à quelqu'un, tu vois les conséquences de cette chose et tu prends une leçon de ça et tu le mets en application pour toi-même. Donc ça te donne une connaissance supplémentaire. Hein? C'est comme les enfants, on dit, touche pas au feu. Hein? Touche pas au feu, ça brûle. Tu mets une chandelle. L'enfant, il est curieux, il veut toujours aller toucher au feu. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il touche au feu et il se brûle. Ah, maintenant je sais que ça brûle, je ne vais plus toucher. Mais la personne qui est heureuse, la personne qui va comprendre que le feu, ça brûle avant d'y avoir touché. Parce qu'elle voit l'autre personne qui s'est brûlée, elle dit, ah, si je touche, je vais me brûler comme ça moi aussi. D'accord, je ne vais pas toucher. Ça, c'est la personne intelligente. Et c'est ça, tadabbur. Hein? Al-i'tibar, le fait de réfléchir sur les leçons. Allah subhanahu wa ta'ala, il te mentionne dans le Coran, qu'est-ce qui est arrivé à d'autres peuples qui ont désobéi à Allah? Est-ce que toi, tu as besoin de faire ça pour savoir que hein, tu vas avoir ce châtiment-là, pour savoir qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Regarde qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là. Regarde qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat, comme récompense ou comme punition. Et ça suffit. Ensuite, le cheikh il mentionne comme deuxième pilier, حصول أثر ذلك الإيمان على الجوارح. Cette foi, elle va produire sur ton corps et sur tes actions un effet, un impact. Et c'est ça le résultat donc de cette réflexion. S'il n'y a pas cet effet-là sur tes actions et sur ton corps, dans ta foi, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu une réflexion sincère, une réflexion sérieuse. Et le cheikh il dit وَبِدُونِ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ التَّدَبُّرُ الْأَمْثَلِ لِلْقُرْآنِ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ إلا أنه ليس هو التدبر الأمثل المطلوب من المسلم. Donc le cheikh il dit, sans qu'il y ait ces deux choses, il n'y aura pas eu une méditation et une réflexion idéale du Coran. Et donc le but, ce n'est pas uniquement de réciter le Coran, parce que ça c'est sûr qu'il y a du bien dedans. De réciter le Coran, c'est oui, on dit pas que c'est pas bon. C'est bon de réciter le Coran, sauf que ce n'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants, aux musulmans. C'est pas ça la réflexion et la méditation idéale que Allah veut de la part du croyant. D'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre. Dans le Ramadan, dans le mois de Ramadan, les musulmans parfois sont très motivés pour réciter le Coran, et ça c'est bien. Et parfois ils vont se donner un programme quotidien qu'ils suivent pour essayer de lire le Coran au complet durant le mois de Ramadan, parfois même deux fois, parfois même trois fois. Ils veulent faire le khatm, ils veulent terminer le Coran trois fois. Donc ils se disent, si je veux finir trois fois, je dois réciter tel nombre de pages par jour. Ou bien après chaque salat je dois réciter tel nombre de pages ou des choses de ce genre. Ça c'est bien, mais est-ce que après avoir terminé tu as vraiment médité et réfléchi sur l'essence du Coran et que ça t'a procuré un effet dans tes actions et dans ton cœur et dans ton corps qui t'amène à le mettre en application? Ça c'est très important. Et le cheikh il dit وَهَذَا يدل على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس له ريح وطعمها مر. Ça c'est un hadith qui exprime ou qui explique la réalité des différentes catégories de personnes par rapport au Coran. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple du croyant quand il récite le Coran, il est comme Al-Utrudja. Al-Utrudja, c'est un fruit. Je pense que ça fait partie de la famille des oranges, des citrons, des pamplemousses. Hein, ça ressemble un peu à ça. Il a une bonne odeur, il sent très bon, et il a un bon goût. D'accord? Il a une bonne odeur et il a un bon goût. Il dit, ouais, l'exemple du croyant qui ne récite pas le Coran, c'est comparable à une date. Il n'a pas d'odeur, mais il a un goût sucré. Donc le croyant qui ne récite pas le Coran, il est comme la date. Il n'a pas d'odeur. La date, ça sent rien. Mais ça a un goût sucré. Il dit l'exemple de l'hypocrite quand il récite le Coran, c'est comme un fruit. Il a mentionné Ar-Rayhana. Et je ne sais pas en français qu'est-ce que c'est, mais c'est un fruit qui a une bonne odeur, mais son goût il est amer. Ok, ça c'est l'exemple, le munafiq qui récite le Coran, il a une bonne odeur mais il a un goût amer. Et l'exemple de l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, c'est comme Al-Hanzala, hein? Il n'a pas d'odeur, il a un goût amer. D'accord. Il dit Warawa Abu al-Fadl al-Razi fi kitabihi Fada'il al-Qur'an wa zad mithl wa mathal al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an wa ya'malu bihi kamathal al-utrujjah tayyibat al-ta'm fa zad lafzat ya'malu bihi wa hiya fi ma'na al-hadith. Donc il dit que Abu al-Fadl al-Razi dans son livre Fada'il al-Qur'an, Il a mentionné une narration dans laquelle il y a l'ajout suivant, c'est que l'exemple du croyant qui récite le Coran et qui le met en application, c'est comme al-utrujja, le fruit qui sent bon et qui a un bon goût. Et il y a donc l'ajout de l'application. Donc, ça veut dire que c'est pas juste le fait de le réciter, mais c'est de le mettre en application aussi. Wa akhraja at-Tabarani fil Kabir an al-Qasim qala قال عبد الله مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل ريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل الذي يعمل بالقرآن ولا يقرأه كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الذي يتعلم القرآن ويعلمه كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الحنظلة طعمها خبيث وريحها خبيث. Donc il dit, c'est une autre version qui est rapportée par At-Tabarani dans Al-Kabir, selon Al-Qasim, selon Abdullah, hein? Donc c'est pas un hadith ici, mais c'est une parole d'un sahabi. Hein? Il dit l'exemple du croyant qui récite le Coran et qui ne l'applique pas. Celui qui récite le Coran et qui ne l'applique pas, c'est comme un fruit qui sent bon mais qui n'a pas de goût. Et il dit l'exemple de celui qui applique le Coran mais qui ne le récite pas, c'est l'exemple de la date. Elle a un bon goût, mais elle n'a pas d'odeur. Et il dit l'exemple de celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. C'est comme le fruit al-utrudja, qui a un bon goût et qui a une bonne odeur. Tandis que celui qui récite le Coran, celui qui ne récite pas le Coran et qui ne l'applique pas, c'est comme al-hamdala. Son goût est mauvais et son odeur est mauvaise. Donc c'est une autre version donc de ce hadith. مقاصد تدبر القرآن. Donc je pense que c'est ça qu'on va lire pour terminer, puis la suite on continuera demain inshallah. مقاصد القرآن, c'est quoi les objectifs du Coran, et والتدبر فيها, et le fait de méditer sur ces objectifs. Le cheikh il dit والتدبر للقرآن الكريم فيه النظر إلى مقاصد القرآن العظيم وهو كتاب هداية وإعجاز وتضمن فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. Donc la réflexion sur le Coran, il y a dedans le fait de méditer sur les objectifs du Coran al-Karim, et c'est un livre de guidance, un livre miraculeux. Et donc cela comprend ou implique qu'il y a dedans le bonheur de l'homme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit « والقرآن العظيم يدور حول ثلاثة قضايا أساس قضايا أساس فيه وهي أولا تقرير التوحيد وأمور العقيدة تقرير التوحيد وأمور العقيدة ثانيا تقرير الأحكام الشرعية الحلال والحرام والنهي والأمر والنهي وثالثا ذكر قصص الأنبياء والسابقين وأخبار الكفار والمشركين وأحوالهم مع رسول رب العالمين. Donc le cheikh il explique que le Coran il tourne autour de trois questions ou trois sujets fondamentaux. Le premier sujet c'est le fait de confirmer le tawhid, l'unicité d'Allah, ainsi que la croyance, l'aqida. Le deuxième, c'est le fait d'établir les règles de la sharia, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, et qu'est-ce qui est ordonné et qu'est-ce qui est interdit. Et le troisième, c'est le fait de mentionner l'histoire des prophètes qui ont précédé, et les histoires qui sont arrivées, et les choses qui sont arrivées aux kuffars et aux mushrikin, et les états avec, dans lesquels ils ont été avec, ou bien les situations qui leur sont arrivées avec les messagers du Seigneur des mondes. والمسلم في قراءته للقرآن العظيم يتفهم هذه المقاصد الكبيرة ويستفيد مما فيها نظرا ومتفكرا ومتعظا وهذا سر ختم الكثير من الآيات بما يفيد طلب التفكر والرشد والعبرة والعظة والرجوع إلى الصواب. Donc le cheikh il dit que le musulman quand il récite le Coran il doit chercher à réfléchir et à comprendre ses grands objectifs, et il va en tirer un profit, quelque chose de bénéfique, en regardant, en réfléchissant, en prenant des leçons. Et le secret de ça, c'est en fait la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les versets se terminent souvent par le fait de demander aux serviteurs de réfléchir, de faire preuve de guidance et d'orientation, de réflexion, de tirer une leçon. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Réfléchissez, tirez-en une leçon, ô vous qui détenez la raison, qui êtes doué de cerveau. وَالْعِظَةِ, de prendre une leçon, d'être exhorté. Tout ça, c'est pour nous indiquer de revenir vers qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est correct. فَمِنْ ذَلِكَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ وَبَيَانِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون لعلهم يذكرون. Donc on va lire ces versets. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans? En ce qui concerne les règles de la charia et qu'est-ce qui est halal et haram, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 187 dans Surat al-Baqarah, ce qui signifie on vous a permis la nuit du jeûne, hein, pendant le ramadan, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah, ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux, afin qu'ils atteignent taqwa. Donc ça c'est le premier exemple, comment Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset il dit « Ainsi Allah expose aux hommes » ses enseignements afin qu'ils obtiennent at-taqwa, afin qu'ils deviennent pieux. Le verset 221 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore d'autres règles. Il dit, ce qui signifie, et n'épousez pas les femmes associatrices, les mushrikats, les femmes qui font du shirk avec Allah. Par exemple, les femmes athées, les femmes hindoues, les femmes bouddhistes, les femmes de d'autres croyances qui ne sont pas juives ou chrétiennes, ou qui ne sont pas musulmanes, ne les épousez pas. Hein? Et il dit, tant qu'elles n'auront pas la foi, c'est-à-dire tant qu'elles n'auront pas cru au tawhid et à l'islam, hein? Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, vaut mieux qu'une mushrika. Donc si elle est une femme qui est esclave, mais qui est musulmane, elle vaut mieux, hein? C'est mieux de l'épouser que d'épouser une femme libre qui est mushrika, qui fait du shirk. Tant qu'ils n'auront pas la foi, donc, et n'épousez pas, hein, ne donnez pas d'épouse aux mushrikin, hein, tant qu'ils n'auront pas eu la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un mushrik, même s'il vous enchante. Donc, tu vois, par exemple, une femme qui est esclave et elle est croyante, c'est mieux qu'une femme libre qui est belle mais qui est mushrika. La même chose pour le contraire, quand c'est l'homme. Si l'homme est mushrik, même s'il a une belle apparence, hein, et qu'il est libre, eh bien l'esclave il est meilleur que cet homme. L'esclave musulman, il est meilleur que ce mushrik. Car ceux-là, c'est-à-dire les mushrikins, ceux qui font le shirk avec Allah et qui adorent d'autres que Allah, ils invitent à l'enfer. Tandis que Allah invite par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Ensuite, le cheikh il a mentionné un autre verset. Juste avant ça, tu vois la fin du verset, il dit « وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » Il explique, il expose aux hommes ses enseignements pour qu'ils puissent se souvenir, pour qu'ils se souviennent. Ensuite, il mentionne le verset 26 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité, ainsi qu'une parure, un embellissement, zina. Hein? Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Donc c'est afin qu'il se rappelle. Tout ça, c'est des versets. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, nous appelle à réfléchir, à méditer et à comprendre. Il donne un autre exemple aussi, le cheikh, dans les questions qui ont rapport avec la croyance. Al-Aqida. Il dit, « Wa fi umur al-Aqida wa ma yata'allaku biha qawluhu fi qawlihi ta'ala, qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum, aw min tahti arjulikum, aw yalbisakum shia'an. » فيذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Regardez que ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant dans sourate Al-An'am, le verset 65, il dit ce qui signifie, et ça c'est relié à la croyance et à la aqida, dit il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, donc dit au Muhammad, aux gens, il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou d'en dessus, en dessous de vos pieds, d'en haut, ou d'en dessous de vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans les différentes sectes, et il vous fait goûter l'ardeur au combat, les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il vous fait vous combattre les uns les autres et vous frapper les uns les autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils. Donc c'est pour amener les gens à réfléchir. Il dit wafi qisas as-sabiqin, à propos des histoires des prophètes précédents, il dit قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Donc à propos des gens qui ont précédé dans les histoires qui ont été mentionnées dans le Coran, il dit nous avons pris Pharaon. Il mentionne qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon dans le verset 130 dans sourate Al-A'raf. Il dit, nous avons éprouvé Pharaon par des années de disette, des années de famine, et par une diminution des fruits, afin qu'il se rappelle. Pour le faire réfléchir, parce qu'il prend tout pour acquis. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne également le verset 176 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion, et il est semblable à un chien. Si tu l'attaques, il allaite, un chien qui allaite. Si tu l'attaques et si tu le laisses, il allaite, c'est-à-dire il allaite si tu l'attaques et si tu le laisses, il allait si tu le laisses. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que tu lui fais, il reste tel quel. Il ne change pas de situation. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Hein? Vous connaissez le chien quand il allaite? Hein? Il halète avec le H, il halète. Les chiens, quand ils font le. Ils sortent leur langue puis ils respirent vite. C'est ça, halèter. Hein? Donc, il dit un chien qui halète, si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Donc, tu l'attaques comme ça, et il reste comme ça, il continue à halèter. Puis tu le laisses, il continue comme ça aussi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il compare les gens, ces gens-là à des chiens qui sont dans cette situation-là. Allah al-Musta'an. Il dit donc, quel mauvais exemple que ceux qui traitent de mensonges nos signes. Cependant, c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Mais dans le verset, il dit hein, eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Hein? Et il mentionne aussi, il dit وَفِي أَخْبَارِ مَنْ كَانَ وَقْتَ الدَّعْوَةِ فَإِمَّا تَثْقَفُوا dans surat Al-Anfal فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وفي عمم القرآن جميعه فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون donc il cite les d'autres versets. Dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala dit il parle des gens qui ont été à l'époque de la da'wa des prophètes, comme le verset dans sourate Al-Anfal, le verset 87. Dans Sourate Al-Anfal, le verset 87. Non, c'est pardon, c'est pas 87, c'est 57. Verset 57. Il dit, donc si tu les maîtrises à la guerre, afflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux, effarouchés, hein, seront effarouchés. Afin qu'ils se souviennent. Et il dit ensuite, et nous avons donné à Moïse le livre, à Moussa alayhi salam, le livre, après que les générations aient péri, les gens qui avaient la science. Et ça, c'était pour les gens une guidance et une miséricorde pour qu'ils puissent se souvenir. Dans Surat Al-Qasas, le verset 43. Ensuite, il mentionne le verset 46 dans Surat Al-Qasas. Encore une fois, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Et tu n'étais pas au flanc du mont Tor quand nous avons appelé. mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se souvienne. Et le verset 69 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là, mais c'est à titre de rappel. Et le verset 113 dans Surat Taha, dans lequel il dit: et nous avons fait descendre sur... et c'est ainsi que nous avons fait descendre le Coran comme une récitation en arabe. Et nous avons mentionné dedans différentes menaces pour qu'ils puissent craindre, hein, et devenir pieux, et ou bien pour qu'ils puissent avoir un rappel. Et il mentionne dans un autre verset, le verset 27 dans Surat Az-Zumar, nous avons donné dans ce Coran des exemples pour les hommes, toutes sortes d'exemples et de paraboles pour qu'ils puissent se souvenir. Et il dit: et nous l'avons rendu facile pour ta langue, hein, pour qu'ils puissent se souvenir. Et le cheikh, il termine en disant: wa يلاحظ أن بعض مقاصد القرآن تأتي ممتزحة، فقد تأتي القصة متضمنة بيان أمر في العقيدة وتشير إلى حكم شرعي كما تراه في المسائل التي يورد الفقهاء فيها ما يسميه الأصوليون شرع من قبلنا، فهو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، لعموم قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Donc le cheikh, il dit, et on constate que certains parmi les objectifs du Coran, ils viennent ensemble, mais réunis. Comme dans certaines histoires, on voit une clarification au sujet de la aqidah et une indication au sujet d'une règle de la charia en même temps. Et tu vois donc ces questions qui sont mentionnées dans les catégories de ce que les savants de fiqh appellent, et en particulier aussi les savants des fondements du fiqh al-usuliyun, usul al-fiqh. Il mentionne la question: est-ce que ce qui a été légiféré à ceux qui ont vécu avant nous, est-ce que c'est une législation pour nous aussi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été ordonné à des peuples avant nous, aux juifs et aux chrétiens, dans leurs livres, est-ce que c'est ordonné à nous aussi? Et qu'est-ce qui a été interdit aux juifs et aux chrétiens, est-ce que c'est interdit pour nous aussi? Et à ce sujet-là, les ulama, ils disent, il y a différentes positions parfois chez les ulama à ce sujet, mais sinon, le cheikh, il explique, il dit que la règle, c'est que tout ce qui a été légiféré pour ceux qui étaient avant nous, les juifs et les chrétiens, par exemple, eh bien, c'est une législation pour nous aussi, ça compte pour nous aussi. Sauf si il y a quelque chose dans notre révélation du Coran et de la Sunna qui vient en opposition avec et en contradiction avec. Et il dit donc que une preuve de ça, c'est le verset 90 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux-là sont ceux que Allah a guidés, alors prends un modèle de leur guidance. Prends un modèle de leur guidance. Dit: je ne vous demande aucun salaire, ce n'est qu'un rappel pour les mondes. Donc on va terminer avec ça pour aujourd'hui, et demain, bi'idhnillah, on continuera la suite avec le dernier point qui est mentionné dans la première partie du livre au sujet de at-tadabbur, c'est-à-dire wasa'il at-tadabbur, c'est-à-dire quels sont les moyens par lesquels on peut se rappeler et méditer sur l'essence du Coran. Et donc il y a plusieurs moyens qui ont été mentionnés et on va les étudier ensemble demain, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.